mieux. It's better. Okay, give me a piano riff. Or I play. I follow you. Vous entendez ma batterie et la basse là? Ouais. Do you hear drums? Hyper jam. Entendez ma batterie. Ce clavier, je sais pas, c'était pas carré, il y avait un problème. Ah, mais il joue plus. Hyper Jam, play. Ah, it's not good for you. Est-ce que. Oui, moi je me suis arrêté de jouer, mais on entend la batterie normalement. Ah, j'ai rien changé. Alors. Voilà. Hyper Jam.